Le talon d'Achille par Moléry. Le baron de Lobenstein vivait dans un des 30 ou 40 petits états dont se compose la Confédération germanique. Il y avait conquis par son mérite et par ses services, en dépit des efforts de l'envie et de l'intrigue, le poste éminent de premier ministre et de conseiller intime du prince. Ce qui avait surtout concilié au baron de Lobenstein l'estime et le respect de ses concitoyens, c'était un caractère digne des temps antiques. Les noms d'Aristide et de Caton venaient naturellement aux lèvres et sous la plume de ses panégyristes. On ne parlait dans toute la principauté que de l'austérité incorruptible, que de l'inébranlable fermeté du premier ministre de son Altesse. Cet homme invulnérable avait, disait-on, été trempé comme Achille dans les eaux du Styx, mais y compris le talon. L'œil perçant de l'envie renonçait à découvrir le défaut de sa cuirasse. Si l'on cherchait dans sa vie politique les actes auxquels il était redevable d'une si belle réputation, il faudrait les citer tous. Mais nous n'avons point mission d'écrire ici l'histoire de la vie politique du baron de Lobenstein. Aux yeux des membres de sa famille et du petit nombre d'amis qu'il daignait admettre dans son intimité, la vie privée du baron n'était pas moins exempte de faiblesse que sa vie publique. On racontait de lui des choses incroyables. Un pauvre diable vint le trouver. Il lui exposa qu'il était dépouillé de son bien par un homme puissant qui, sans le savoir, en était détenteur, et le consulta sur les moyens de se faire rendre justice. Le baron, après avoir minutieusement examiné toutes les circonstances de l'affaire, répondit « Plaidez, mon cher, plaidez. Je vous appuierai de mon crédit et de ma bourse. Je dois vous prévenir, monseigneur, que, grâce au mené coupable d'un intendant de votre père, c'est vous-même qui êtes aujourd'hui mon spoliateur involontaire. Alors ne plaidez pas, c'est inutile. Hélas, monseigneur, je sais bien que je ne suis pas de force à lutter contre vous. Je ne me suis proposé d'autre but dans ma démarche que de vous émouvoir en faveur d'un malheureux dont votre pitié est l'unique ressource. Qu'appelez-vous ma pitié, monsieur? Quelle opinion avez-vous de moi pour me supposer capable de vous payer en compassion la justice que je vous dois? Je vous ai dit qu'il était inutile de plaider parce qu'avant une heure, vous auriez entre les mains les titres d'une propriété qui, de ce jour, a cessé de m'appartenir. J'entends de plus que vous soyez intégralement remboursé des produits indûment perçus au profit de mon père et du mien. » Et l'exécution suivit immédiatement la promesse. Parmi 100 autres faits marqués au coin du plus rigoureux puritanisme, nous en choisirons encore un qui plaça le baron très haut dans l'estime publique, bien qu'il fût taxé d'exagération par une foule de bons esprits. Ce fait appartient à la vie politique du baron. Mais il est ici d'autant mieux à sa place qu'il servira, pour ainsi dire, de prologue à l'événement dont nous nous proposons de faire le récit. Le prince manifesta un jour l'intention de donner un siège dans son conseil au baron de Korbach, diplomate habile, dont les talents pouvaient être utilement employés. La fortune du baron de Korbach était une des plus considérables de la principauté, mais elle provenait, suivant l'opinion générale, d'une source peu honorable. On prétendait que le père du baron, qui avait autrefois tenu le portefeuille du ministère de la guerre, s'était montré de très facile composition avec certains fournisseurs chargés de l'habillement des troupes, et l'on faisait remarquer la coïncidence fâcheuse de la condamnable tolérance du ministre avec un subit accroissement dans le nombre et le revenu de ses propriétés. À peine le prince eut-il exprimé son désir que le baron de Lobenstein se leva. « Je supplie votre Altesse, dit-il d'une voix ferme, de vouloir bien accepter ma démission. » Et comme on lui demanda l'explication de cette boutade inattendue, il ajouta « Je ne saurais signer l'ordonnance qui confierait les intérêts de l'État à un homme dont le père s'est enrichi par des dépradations commises au préjudice de l'État. » Le prince n'accepta point la démission du baron de Lobenstein. Il ne pouvait sacrifier à ses sympathies pour le baron de Korbach un ministre dont la popularité faisait la plus grande force de son gouvernement. Le baron de Lobenstein réunissait donc trois choses qu'on rencontre rarement ensemble, une position élevée, une bonne réputation, une conscience pure. Et afin que rien ne lui manquât de ce qui constitue la félicité humaine, il voyait croître dans son fils, objet de sa plus vive affection, un digne héritier de son nom, de ses talents, de ses vertus. Frédéric était à 20 ans un des plus séduisants cavaliers de la cour du prince, et déjà les mères, jalouses de trouver un bon parti pour leur fille, commençaient à dresser autour de lui les batteries de leur coquetterie maternelle. Les jeunes filles n'étaient pas moins clairvoyantes que leur mère pour découvrir chez M. Frédéric toutes sortes de mérites. L'une admirait la suave expression de son chant, l'autre lui décernait la palme de la danse. Celle-ci lui reconnaissait un esprit solide, celle-là une humeur enjouée, si bien que plaisant à chacune par quelque côté, il était devenu, au grand déplaisir des autres jeunes gens de son âge, le point de mire des admirations féminines dans tous les salons de la résidence. Ses succès touchaient peu le fils du baron de Lobenstein. Il lui était même importun, car il regardait comme perdu pour son bonheur les moments employés à briller dans ce monde officiel où l'appelait forcément la position de son père. Son goût le portait vers des plaisirs plus simples, et chaque fois qu'il lui était permis de disposer de quelques heures, on pouvait le voir se diriger à cheval du côté de la campagne. Seulement les observateurs se demandaient pourquoi ce constant admirateur de la nature s'obstinait à ne la contempler que d'un seul point et sous un seul de ses aspects. Dans toutes ses excursions, en effet, Frédéric sortait invariablement de la ville par la même porte et suivait la même route jusqu'à une certaine limite qu'il atteignait toujours et ne franchissait jamais. Pour quiconque eût suivi notre promeneur, l'explication d'une telle persévérance se fut trouvée au bout d'une verte avenue de châtaigniers, dans le riant parterre d'un élégant manoir, parmi des rosiers auxquels une jeune personne, non moins invariable dans ses habitudes, descendait chaque jour pour donner ses soins à l'heure accoutumée des promenades de Frédéric. Cette jeune personne se nommait Wilhelmine. Elle avait 17 ans. Elle était jolie, gracieuse, ingénue et spirituelle. Elle possédait une imagination vive, un esprit cultivé, un cœur excellent. Elle réunissait tout ce qui justifiait la passion la plus vive dans un autre que le fils du baron de Lobenstein. Le hasard ou le destin, comme on voudra, semble se plaire à nous conduire là où il serait de notre intérêt de ne jamais aller. Certes, si Frédéric, avant de voir pour la première fois Wilhelmine, avait su ce qu'elle était et qu'il la rencontrerait au sud, il se fut mis à galoper vers tel ou tel autre des 4 points cardinaux. Mais le destin voulut qu'il eût le tort de regarder comme une chose tout à fait indifférente la direction de sa promenade. Il en résulta qu'il rencontra Wilhelmine, qu'il se promit de la revoir, qu'il l'aima de toutes les forces d'un premier amour, et qu'il ne lui était plus possible de revenir sur ses pas quand il apprit qu'elle était fille du baron de Korbach. Mais Frédéric, qui ne se sentait ni la force ni le courage de combattre son amour naissant, se persuada bientôt qu'il aurait une dose suffisante de volonté et d'énergie pour triompher des préventions de son père. Et il eut bien le talent de faire partager sa conviction à Wilhelmine, que celle-ci ne fit aucune difficulté de partager les sentiments qu'elle avait inspirés. Pendant un mois, Frédéric et Wilhelmine subirent ces 1000 péripéties de crainte et d'espoir, de dépit et de joie, de jalousie et de confiance, de brouille et de raccommodement, dont le souvenir échauffe encore et remue le cœur au milieu des glaces de la vieillesse. Puis ils se hâtèrent de sortir de cette période qui est la plus heureuse de l'amour, pour entrer dans celle des soucis, des chagrins et des larmes, en abordant les difficultés de leur position. Un soir, Frédéric alla trouver le baron de Lobenstein dans son cabinet. « Mon père, vous m'avez dit souvent que mon bonheur était le plus cher de vos vœux, et que pour l'assurer, tous les efforts me seraient faciles. « C'est vrai, Frédéric. Douterais-tu de la sincérité de mes paroles ?»« Non, mon père. Voilà pourquoi je viens vous dire avec confiance, j'aime Wilhelmine. Sans Wilhelmine, il n'est point pour moi de bonheur possible. Permettez-moi de demander la main de Wilhelmine à son père, monsieur le baron de Korbach. » La rougeur subite dont se couvrit le visage du baron de Lobenstein ne déconcerta point Frédéric. Il s'était attendu, en prononçant ce nom, à un premier effet inévitable. « Je sais, continua-t-il, que vous avez de l'éloignement pour monsieur le baron de Korbach. Je ne me permettrai point d'en discuter les motifs. Quels qu'ils soient, mon devoir est de les respecter. Mais je fais appel à votre cœur, qui souffrirait de me réduire au désespoir, et à votre justice, qui ne voudra pas envelopper la fille dans la haine que vous portez au père. » Le baron de Lobenstein avait le temps de se reconnaître, et ce fut sans colère qu'il répondit à Frédéric. Si tu m'avais parlé d'une famille pauvre, je n'aurais pas fait d'objection. Une mésalliance même ne m'eût point fait reculer dans une affaire où ton bonheur est en question. Mais il y a des impossibilités devant lesquelles il faut savoir s'incliner. une alliance avec la famille de Korbach et du nombre. Je compte donc que mon fils cessera toute sollicitation devant le refus formel que je suis contraint de lui faire aujourd'hui et qu'il m'épargnera dans l'avenir le chagrin de le lui renouveler. Frédéric n'insista point. Il eut essayé de tenir tête à un mouvement de colère. Il demeura sans voix en présence de cette fermeté calme qui est l'indice d'une résolution inébranlable. Cependant, il ne put se résigner à perdre toute espérance, même après une tentative infructueuse. D'autres, peut-être, auraient le secret de réussir là où il avait échoué. La première influence dont il essaya fut celle de sa mère. Le baron reconnaissait par une affection sincère et une haute estime les 25 ans de bonheur que sa femme lui avait donnés. Il écouta d'un bout à l'autre, sans l'interrompre, l'éloquente requête qu'elle lui présenta en faveur de son fils. « Ah, madame, lui répondit-il, lorsqu'elle eut achevé de parler et en lui baisant respectueusement la main. « Je maudis plus que jamais le baron de Korbach, puisqu'il me met aujourd'hui dans la pénible alternative de compromettre mon honneur ou de vous causer, pour la première fois de ma vie, le déplaisir d'un refus. « Je serai au désespoir, répliqua la baronne, d'avoir sollicité de vous une complaisance où votre honneur peut être compromis. Mais permettez-moi de croire que je n'ai pas été si indiscrète et que vous avez mis dans vos paroles un peu d'exagération. Madame, j'ai offert ma démission pour ne point siéger à côté du possesseur d'une fortune mal acquise. Si je consentais à une alliance qui ferait passer dans ma famille une partie de cette fortune, veuillez chercher quelle autre expression plus douce le monde emploierait pour qualifier ma conduite. » La baronne ne chercha point et battit en retraite, mais elle s'empressa de porter à son fils quelques paroles de consolation et d'espoir. « Tout n'est pas perdu peut-être, » dit-elle à Frédéric. « Si ma pénétration n'est pas en défaut, le plus grand obstacle que nous ayons à combattre, c'est la crainte où est le baron de voir l'opinion publique se prononcer contre lui. C'est donc à cette même opinion qu'il nous faut en appeler, et nous ne devons négliger aucun effort pour nous la rendre favorable. » De ce moment, Frédéric avoua hautement et partout son amour. Il cessa en même temps ses promenades dans la direction du sud. C'était à la fois faire acte d'obéissance et se poser en victime de l'austérité paternelle. Le baron lui vint en aide par d'adroites manifestations de sa pitié pour les souffrances de son fils et du chagrin qu'elle ressentait de ne pouvoir fléchir le rigorisme de son mari. Il se rencontra quelques pères qui applaudirent aux nobles sentiments et à l'héroïque fermeté du baron de Lobenstein. Elles ajoutaient, en couvrant leur fille de leurs plus tendres regards, que M. Frédéric, s'il voulait se donner la peine d'ouvrir les yeux, trouverait facilement à se consoler de la perte de Mlle Wilhelmine. Mais une immense majorité se déclara dans le sens contraire. On traita même d'injuste prévention et d'entêtement ce que la verve élogieuse de tant d'admirateurs avait autrefois appelé susceptibilité honorable et courageuse persévérance. Ce revirement de l'opinion prit en peu de temps des proportions qui auraient ébranlé tout autre que le baron de Lobenstein. À la ville comme à la cour, les noms de Frédéric et de Wilhelmine étaient sur toutes les lèvres. On se livrait, en présence même du ministre, à une foule d'allusions assez transparentes pour qu'on ne puisse y méprendre. Aucune n'eut le pouvoir de le faire sourciller. Aux traits détournés succédèrent les attaques directes. Des amis éprouvés allèrent jusqu'à l'avertir que tant d'animosité devenait un bienfait pour le baron de Korbach, qu'elle rendait intéressant aux yeux du public. Attaques, suggestions et conseils furent inutiles. Le prince, revenant à son projet d'utiliser les talents du père de Wilhelmine, ne laissa point échapper une occasion où il se sentait appuyé par le vœu du pays. Il fit savoir à son premier ministre qu'il attachait le plus grand prix au rapprochement de deux hommes dont l'union devait tourner au profit et à la gloire de l'État. Cette tentative n'eut pas plus de succès que les autres. Rien n'avait donc pu amollir l'âme de bronze du baron de Lobenstein, ni sa tendresse pour son fils, ni sa condescendance pour sa femme, ni son respect de l'opinion, ni son dévouement au prince. Tous les moyens étaient épuisés. C'eût été folie de conserver une ombre d'espérance. Frédéric était dans un état à faire pitié. Le bruit lui était venu que le visage de Wilhelmine, autrefois si resplendissant de fraîcheur et de santé, commençait à porter les traces d'une langueur inquiétante. La maison du baron ne s'était jamais fait remarquer par une physionomie bien gaie, mais il régnait un calme qui n'avait non plus rien de triste. On y pressentait des habitants paisiblement heureux plutôt que soucieux et ennuyés. À ce calme succéda le silence de sinistre augure qui précède les grands bouleversements. Le fils et le père se saluaient sans échanger une parole. La mère demeura muette entre ces deux persévérances dont elle n'osait ni soutenir l'une ni combattre l'autre. Il n'y avait pas jusqu'au domestique dont la figure n'offrit un reflet de la tristesse des maîtres. Nous devons toutefois excepter le cuisinier Jean. Seul entre tous, Jean avait conservé sa physionomie habituelle. Il y avait même ajouté un sourire, et ce sourire, tout plein d'ironie, semblait comme un défi jeté à ses camarades, à Frédéric, à la baronne et au baron lui-même. Frédéric remarqua ce sourire. Monsieur Jean pourrait mieux choisir son temps pour se livrer à de tels accès d'hilarité. Ce que monsieur prend pour de la gaieté n'est qu'une suite de mes réflexions. Les réflexions de monsieur Jean, et sur quoi, s'il vous plaît? Dame, sur ce qui se passe. Si je ne craignais de manquer de respect à monsieur, je lui dirais que c'est quelquefois un tort de ne pas regarder au-dessous de soi pour y chercher un appui, et surtout que la première condition, quand on veut emporter une forteresse, est de l'attaquer par son côté faible. Comme tous les amoureux au désespoir, Frédéric se serait accroché à un fétu. Il invita Jean à s'expliquer dans un langage un peu moins parabolique. « Eh bien donc, reprit celui-ci, je sais quelqu'un qui obtiendrait peut-être en une soirée de monsieur le baron ce que depuis un mois n'ont pu obtenir ni monsieur Frédéric, ni madame la baronne, ni le prince lui-même. Et ce quelqu'un, c'est toi. 1000 florins, si tu réussis. Je n'aurais pas pris la liberté de me mettre à l'œuvre sans votre aveu. » Sur la recommandation de Jean, Frédéric, de concert avec la baronne, disposa les choses de façon que ce jour-là le baron de Lobenstein dîna seul. Cet homme, que nous avons représenté si fort, avait un côté faible, ainsi que l'avait dit son cuisinier, qui devait le savoir mieux que personne. Il était gourmand. Mais il était gourmand selon l'acception la plus distinguée du mot. Son appétit ne ressemblait point à la voracité grossière et répugnante du gourmand vulgaire. Sa gourmandise était sensuelle et non gloutonne. Rien de plus agréable à sa vue, de plus suave à son odorat, de plus savoureux à son palais, qu'un mets délicatement assaisonné. Ce mets était-il une caillou au salpicon? La figure du baron rayonnait de plaisir. Elle s'épanouissait jusqu'au ravissement si la caille au salpicon avait été accommodée par le cuisinier Jean. La vérité est qu'on eut en vain cherché sur tous les points du globe le rival de Jean dans l'art d'assaisonner les cailles au salpicon. Aussi le baron tenait-il par-dessus tout à son cuisinier. Il allait jusqu'à s'applaudir d'être plus âgé que lui. « Au moins ai-je l'espoir, disait-il, de le garder à mon service jusqu'à mon dernier jour. » Donc le baron de Lobenstein ne put retenir un cri de joie. Lorsque s'étant assis à table, il vit apparaître une caille au salpicon, portée par Jean lui-même, qui n'avait voulu confier à nul autre le soin de la servir. « Merci, Jean, merci. Voilà de quoi me consoler d'être seul à table. C'est une attention dont je suis très reconnaissant. » J'ai cru ne pouvoir prendre congé de monseigneur d'une manière plus convenable qu'en lui apprêtant une dernière fois son plat de prédilection. Qu'entends-je? Tu voudrais quitter mon service? C'est avec le plus vif regret que je me vois forcé d'en demander la permission à monseigneur. Et pourquoi? Ne serais-tu point satisfait de ta condition? Elle ne me laisse rien à désirer. N'ai-je pas été en toute occasion au-devant de tes vœux? J'ai fait de ton frère un huissier de mon cabinet, de ton cousin un commis dans les douanes, de ton neveu un surnuméraire dans mes bureaux. Souhaiterais-tu pour eux un avancement plus rapide? Monseigneur a comblé ma famille de bienfaits. Je serais fort embarrassé de trouver quelque chose à solliciter pour elle. Le baron tendit son assiette à Jean qui s'empressa d'y ranger symétriquement, au milieu du salpicon, les membres de la caille. Puis l'approchant de son visage et l'élevant à la hauteur de ses narines, il se mit à humer la vapeur qui s'en échappait de toute la puissance de ses nerfs olfactifs. Je n'ai jamais respiré un parfum comparable aux fumées de ce ragoût. Et tu veux me quitter? Poursuivit-il, en adressant à son cuisinier un regard tout plein de bienveillance. Tu vas m'en dire le motif sur le champ. Il faudra que j'aie bien peu de pouvoir, ou que je sois bien maladroit, si je ne parviens pas à trouver un moyen de te retenir. Monseigneur, je n'aurai jamais l'audace de vous expliquer la raison qui fait que je me retire. Vous me jetteriez à la porte comme un impertinent. Je te donne ma parole qu'il ne t'arrivera rien de fâcheux, c'est moi qui exige que tu parles ouvertement. Je vous supplie encore une fois de m'en dispenser, monseigneur. Qu'ai-je à voir, moi, chétif, dans les affaires de famille du haut et puissant baron de Lobenstein? Et ne trouveriez-vous pas impertinent, au premier chef, mon souci de savoir si monsieur votre fils se mariera ou non suivant le penchant de son cœur ? Un coup d'œil sévère du baron avertit Jean qu'il avait déjà dépassé les limites de la discrétion. Il eut un silence de quelques minutes, interrompu seulement par le grincement de la fourchette et du couteau qui se rencontraient tantôt sur une aile, tantôt sur une cuisse du volatile. Mais à chaque bouchée se dissipait graduellement le nuage qui avait un instant obscurci le front du baron. « Jean, s'écria-t-il enfin, tu t'es surpassé. Jamais je n'ai mangé rien d'aussi délicat que cette caille au salpicon. »« Quel que soit mon successeur, dit le cuisinier en affectant un air de très grande modestie, monseigneur peut espérer qu'il fera mieux encore. » Le traître sait trop bien le contraire, pensa le baron. Puis il reprit tout haut, sans regarder Jean et comme s'il se fût parlé à lui-même. C'est vraiment étrange. Depuis le premier jusqu'au dernier, tout le monde semble s'être donné le mot pour me parler de cette maudite affaire et pour prendre le parti du baron de Corbar. Mais que diable peut-on trouver à dire en faveur d'un pareil homme ? Les gens qui se croient en position de porter un jugement sur les choses, fit Jean d'une voix insinuante, prétendent que faire peser sur un fils la responsabilité des actes de son père, c'est aller au-delà des bornes de la justice. J'avoue que sur ce point je ne suis pas moi-même sans avoir quelques scrupules. On ajoute qu'il est prudent de se défier de la langue des hommes, que les faits reprochés au père ont circulé de bouche en bouche sans avoir jamais été démontrés. Et que s'il est exorbitant de punir un fils pour un crime réel de son père, il le serait bien plus encore de lui faire porter la peine d'une faute imaginaire. Je conviens qu'en l'absence de preuves légales, il est permis d'invoquer le bénéfice du doute. On dit encore ? Mais le propos est injurieux pour monseigneur et je n'ai garde de le répéter. Je te l'ordonne. Eh bien, on dit qu'en se refusant à tout moyen de rapprochement, et en tenant ainsi le baron de Corbar éloigné des affaires, monseigneur cède moins un sentiment d'honorable susceptibilité qu'à la crainte de voir un jour ses services effacés par ceux d'un rival. Drôle. Et sans doute vous vous comptez au nombre de ces gens qui se croient en position de porter un jugement sur les choses ? Non, monseigneur, répondit Jean. Mais, ajouta-t-il d'un ton résolu, l'aspect intérieur de votre maison s'assombrit de jour en jour. Vous devenez soucieux. Madame la baronne s'afflige, monsieur Frédéric se désespère. Au milieu de cette tristesse générale, mon imagination s'engourdit, mon goût s'endort. Il est temps que je prenne un parti, si je veux sauver le peu de talent que je possède. » Le baron achevait en ce moment avec béatitude l'excellente sauce qui avait accompagné la caille. « Voilà, dit-il en passant la langue sur ses lèvres, une caille au salpicon dont je me souviendrai toute la vie. Monseigneur daignera-t-il en faire mention sur le certificat que je le supplie d'avoir la bonté de me donner ?»« Quelle tête ! » s'écria le baron. « c'est bien, nous en reparlerons demain. » Le lendemain, il n'était bruit dans la résidence que d'une entrevue du baron de Lobenstein et du baron de Corbach, à l'issue de laquelle ce dernier était allé prendre place au conseil sans que le premier renouvelât l'offre de sa démission. Le nouveau ministre avait, disait-on, produit, pour établir l'innocence de son père, les arguments les plus décisifs et les preuves les plus concluantes. Quelques jours plus tard, une grande fête se préparait à l'hôtel du baron de Lobenstein. Le prince y devait venir en personne mettre sa signature au bas du contrat de mariage de Frédéric de Wilhelmine. Le matin, Jean, qui n'avait pas plus renouvelé sa démission que le premier ministre la sienne, se présenta dans le cabinet du baron pour lui soumettre le menu du dîner. La caille au salpicon figurait à l'une des places d'honneur. Le baron sourit et approuva le menu. Bien des gens ont, ainsi que le baron de Lobenstein, leur talon d'Achille, accessible à des flèches tout aussi innocentes en apparence qu'une caille au salpicon. C'était le talon d'Achille par Moléry.